vont bientôt me suicider, car je suis de plus en plus seul. Je compte bientôt me suicider, car je suis de plus en plus seul. Il n'y a plus Mégane, il n'y a plus Camille, il n'y a plus de pâté, il n'y a plus de travail. Je compte bientôt me suicider, car je suis de plus en plus seul. Il n'y a plus Léa, il n'y a plus Maëlle, il n'y a plus d'argent, il n'y a plus de femme. Je compte bientôt me suicider, car je suis de plus en plus seul. Il n'y a plus Mégane, il n'y a plus Mégane, il n'y a plus d'amour, il n'y a plus Mégane. Il n'y a plus Mégane.